Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, le grand savant, il a dit, quant au taghout, ça signifie que tout serviteur qui a dépassé sa limite, qui a dépassé la limite, qui est dépassé la limite dans le coffre, dans la mécréance, d'accord, qu'il soit adoré, matbou', suivi, ou muta', obéi, d'accord. Donc ces trois choses, c'est ça le taghout. Taghout, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou qui est suivi en dehors d'Allah, ou qui est obéi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça veut dire quoi? Ils changent la loi d'Allah et ils veulent que les gens ils leur obéissent. Ou ils demandent aux gens qui les adorent en dehors d'Allah, qui les invoquent en dehors d'Allah, qui sacrifient en dehors d'Allah. Ça, c'est général sur les hommes et les djinns. Ou al-jamadat, les choses qui n'ont pas doué d'âme. Alors on peut appeler al-qabr, la tombe adorée en dehors d'Allah, on peut l'appeler tarud. Ça, c'est dans l'Alam al-Maqqi'in d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le volume 1. Il dit, après avoir cité ça, il dit Ibn al-Qayyim, فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلهم من عبادة الله لعباد الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. Il dit, ceci sont les tawarit qu'il y a dans ce monde. Les trois. Tawarit de l'adoration, tawarit du suivi, tawarit de l'obéissance. Tawarit de l'obéissance, c'est ce qu'on appelle le tawarit du jugement. Il dit, lorsque tu les médites, ces tawarit, et que tu médites l'état des gens, comment les gens ils se comportent, tu verras que la plupart des gens, ils ont délaissé l'adoration d'Allah pour adorer le tawarit. Ils ont délaissé le fait de prendre le jugement d'Allah et de son messager vers le fait de prendre le jugement du tawarit. Ils ont délaissé l'obéissance d'Allah et le suivi de son messager pour suivre le tawarit et pour obéir au tawarit et le suivre. Wa sadaqa rahimahullah. Ça, c'est Ibn al-Qayyim à son époque. On devrait dire quoi, nous, à notre époque? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ensuite, il dit, Cheikh Mohammed, wa tawarit kathirun wa ru'usuhum khamsa. Les tawarit sont nombreux. Mais les têtes du tawarit sont cinq choses. Cinq choses qui sont adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, comme dit Ibn Qasim, akbar al-tawarit bil-istiqra wa ta'ammul khamsa. Les plus grands tawarit et les plus répandus sont ces cinq choses qu'on va citer. Le premier et le plus grand des tawarit, c'est Iblis, la'anahullah, wa na'udhu billahi min kaydi. Iblis, le diable. Pourquoi c'est un tawarit? Parce que toute mécréance qui a lieu sur cette terre, il en est la cause. Ou il en est à la base. C'est lui qui a invité les gens. Donc c'est lui le plus grand tawarit. والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. Et la preuve et la parole du Très-Haut, ne vous ai-je pas engagé, fils de Adam, à ne pas adorer le shaitan. Un engagement qu'Allah a pris envers les fils d'Adam. قال ومن عبد وهو راض. Celui qui est adoré et qui accepte cela. Et parmi les djinns ou les hommes, ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et qui acceptent cela. C'est ainsi que Isa ibn Maryam alayhi salam, ce n'est pas un tawarit. Car les chrétiens l'adorent, mais ils refusent cette adoration. D'accord? Et les anges, ce ne sont pas des tawarit. Parce qu'il y a des gens qui invoquent les anges ou qui les prennent comme intermédiaire avec Allah, mais ils refusent cette adoration. Ensuite, il dit, وَمَنْ دَعَ النَّاسِ لَعَبَاتِ نَفْسِهِ. Et celui qui appelle les gens à les adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit Ibn Qasim, ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق كفرعون ومشايخ الضلال الذين غرضهما العلو في الأرض والفساد واتخاذهم أربابا والإشراك بهم كما يحصل مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم. وحكي عن بعض أئمة الضلال أنه قال من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث بي. اللهم العن مثل هذا الطاغوت يا رب العالمين. Ibn Qasim dit, comme quoi, parmi l'exemple, c'est quoi? C'est comme quoi certaines personnes, ils ont dit, parmi les têtes de l'égarement, parmi les chevures de Sophia, qui disaient, lorsque vous, ils disaient à ses élèves, lorsque je serai mort, et que vous avez un besoin, venez à ma tombe. Venez m'invoquer une fois que je serai mort. Hein? Et ça, c'est la aqida de beaucoup de gens. Jusqu'à ce qu'on trouve dans les livres qui sont enseignés dans les universités islamiques, comme l'Azhar ou quoi que ce soit, comme quoi c'est bien d'aller à la tombe des pieux pour leur demander quelque chose. Hein? comme dit Al-Laqani dans Sharh Jawharat al-Tawhid, et c'est au programme dans de nombreuses universités islamiques. Wa inna illahi wa inna ilayhi raji'un. Ensuite, il dit, le quatrième tarot, on est celui qui prétend connaître une chose de la science de l'invisible. Ça, le meilleur exemple, ce sont, comme ils ont dit les ulama, al-munajjimin wal-kuhan. C'est quoi? Les devins et les astrologues. Ceux qui prétendent prédire l'avenir par les étoiles. Ces gens-là sont des tawarites. Et les marabouts, qui prétendent connaître l'avenir aussi. Et tous les astrologues, on l'a dit, et tous les sorciers, c'est shayatin. Et il fait partie, le kahin, le devin, c'est-à-dire ceux qui prétendent connaître l'avenir, fait partie de tawarites. Comme ça a été dit par exemple à Hafid al-Hakami d'Amaj en Kaboul, volume 2, la page 572. Ça, c'est pour Al-Kahn. Celui qui prétend connaître l'avenir, il a prétendu quoi? À une des caractéristiques d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Et il a les clés de l'invisible. Nul ne les connaît, sauf lui. C'est dans Surat Al-An'am, dans Surat 6, le verset 59. Donc toute personne qui prétend être l'égal d'Allah Azza wa Jalla dans cette chose, comme s'il avait prétendu être l'égal d'Allah dans autre chose, comme la création ou quoi que ce soit, c'est réellement un tarot. Il s'est mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour les kohen, les devins. Quant à ceux qui vont voir les devins ou ceux qui vont voir les astrologues, quel est leur jugement? Ou qui lisent, ne serait-ce que lire l'horoscope? Le Cheikh Ali al-Khudair, fakallahu asra, farrajallahu kurbata, il dit, dans son explication de l'usul al-thalatha, al-wijaza, sur l'usul al-thalatha, à la page 74, il dit, وَحُكُمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ فِيهِ تَقْصِيلٍ. Le jugement de celui qui va voir les devins, genre il va voir des gens qui prétendent prédire l'avenir, comme les marabouts, ou certains, comme les stars, beaucoup de ça, les shiatines, là, tawarit, il dit, il va les voir. Il y a plusieurs cas. Le premier, فإن ذهب إليهم وهو مصدق لهم أنهم يعلمون الغيب سواء الغيب المطلق أو الغيب النسبي فهذا كافر كفرا أكبر لأنه اعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الله قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Le premier cas, une personne qui va au devin ou qui lit l'horoscope, il reconnaît ou il croit que ces gens connaissent l'avenir. Que ce soit l'avenir général, c'est-à-dire l'avenir de tout, ou l'avenir en particulier, c'est-à-dire l'avenir d'une personne, ou des choses comme ça. Essentiel, il croit. Cette personne-là, c'est un kafir, un mécréant. Il a fait de la mécréance majeure. Car il a cru que quelqu'un connaissait l'avenir, en dehors d'Allah. D'accord? Le deuxième cas. وَإِنْ ذَهْبَ إِلَيْهِمْ وَهُوَ يَكْرَهُ فِعْلَهُمْ وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَلَكِنْ ذَهْبَ يَسْأَلُهُمْ حَاجَةً دُنْيَوِيَّةً أَوْ يَسْأَلُهُمْ عِلَاجًا شَعْبِيًّا فَهَذَا ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ ولا تقبل له صلاة ولا تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في حديث حفصة الذي رواه مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته لم تقبل له صلاة 40 يوما. Il dit, le deuxième cas, une personne qui va voir les devins, qui lit l'horoscope, qui va voir un sorcier par exemple, tout en disant, je sais qu'ils ne connaissent pas l'avenir. Je sais qu'ils ne connaissent pas l'avenir. Et il va leur demander, par exemple, une question de dans la dunya, où il va leur demander un remède, un médicament, hein, en vrai, un médicament, comme on dit, de grand-mère, ou quoi que ce soit. Cette personne-là, il a fait un grand péché parmi les grands péchés. D'accord? Et cette personne-là, il a fait un grand péché qui empêche que sa salat soit acceptée pendant 40 jours. C'est-à-dire, il fait la salat, mais il n'a pas la récompense. Comme il a dit le prophète dans Sahih Muslim, qui signifie, celui qui va voir un devin. Qui lui demande quelque chose, sa salade ne sera pas acceptée pendant 40 jours. C'est rapporté par Muslim numéro 223. Il dit à Ali al-Qudair, il prie, mais il n'aura pas la récompense de sa salade. Il n'aura pas la récompense, mais il faut qu'il prie. Le troisième cas, un yakraha fi'lahum. ويعتقد أنهم لا يعلمون الغيب ولكن ذهب للفرجة والنزهة من باب الاستطلاع فهذا من كبائر الذنوب ولا تقبل له صلاة 40 ومثله مشاهدة التلفزيون فكله لا يجوز، ومثله ألعاب السيرك، ومثله من يحضر عند السحرة لكي يتفرجوا على ألعابهم البهلوانية وما يقومون به من أشياء مضحكة ولافتة للنظر. هذا خطير جدا. يقول الثالث كا، une personne qui déteste leur acte, donc qui ne croit pas qu'ils connaissent l'invisible, ne croit pas qu'ils connaissent l'avenir, ne croit pas qu'ils ont un pouvoir particulier. Mais il y va juste pour regarder. Il y va juste pour regarder. Ou il écoute, ou il lit l'horoscope, juste comme ça. Cette personne-là, elle a fait un grand péché. Sa salat ne sera pas acceptée pendant 40 jours. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que s'il rentre dans son cœur comme quoi cette chose-là, c'est vrai, là, qu'est-ce qui lui arrive? Il devient kafir, il sort de l'islam. Le danger de l'horoscope, de ces choses-là, de la sorcellerie, comme ça. Il dit, une personne, par exemple, qui regarde ça à la télé. Il regarde la sorcellerie à la télé, il regarde les magiciens. Hein? Les spectacles de magie. Il dit même le cirque. Il regarde le cirque. Les magiciens au cirque, là. C'est de la sorcellerie, ça, Erwan. Quand il flotte dans l'air, ou quand il se rend des épées dans le ventre, ou quand il coupe des gens en deux, ça, c'est de la sorcellerie, ça. C'est du sihr. Celui qui le regarde, yarda, il accepte, il aime, il croit que c'est vrai ou quoi que ce soit, yakfur, il sort de l'islam. Télé, pas télé, pour s'amuser, pour pas s'amuser, les enfants, je sais pas quoi, nanani, yakfur. Celui qui regarde en détestant, sa salat, elle est pas acceptée par un quand. Il a fait un tellement grand péché qu'Allah lui rejette sa salat au visage pendant 40 jours. Ça c'est la louise de la surah. Le cinquième tarot. On va le détailler un peu. Cinquième tarot. Il est très présent à notre époque. Il a dit, le Cheikh Mohamed Abdelhab, le cinquième tarot, celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah a révélé. Et toute personne qui juge entre les gens par autre chose que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran et le Sunna, il rentre dans le tawhid. Comme dit le Cheikh Abdelrahman ibn Qasim, rahimahullah, dans Hachia Thalath al-Usul, à page 99, comme yahkum bi qawaneen al-jahiliya, al-qawaneen al-duwaniya, bal jami'u man hakama bi ghayri ma anzalallah, sawa'an kana bil qawaneen aw bi shay'in mukhtara', wa huwa laysa min ash-shar'a. ثم قال فهو طاغوت من اكبر الطواغيت. Il dit, toute personne qui juge avec les lois forgées de l'ignorance, le jahiliya. Allah Azza wa Jalla, il a appelé un jugement autre que lui, on va le voir, hukm al-jahiliya. Hukm al-jahiliya, yamroun. Toute loi autre celle d'Allah, c'est de la jahiliya. Même si elle est développée, nanana, je sais pas, la civilisation, les droits de l'homme, je sais pas. Comme les lois internationales. Tout, mais même toute personne qui juge par autre chose que celle d'Allah, que ce soit par des lois forgées, par quelque chose d'inventé qui ne fait pas partie de la législation, celui-là, c'est un tarot, appelé plus grand sorte de tarot. On va détailler cette question-là et on dit, al-hakimu bighayri ma anzalallah, al-tarot, yani, tarot al-hukum, lahu halatan. Le tarot dans le jugement, c'est deux choses. D'accord? C'est deux choses. Le premier, al-musharri', wa huwa alladhi yuhallilu wa yuharrim, wa yuqanninu min dunillah. وهذا طاغوت ينازع الله في حق من حقوقه يجب على كل مسلم الكفر به والبراءة منه ومعاداته وبغضه وتكفيره. Le premier, c'est le législateur, celui qui légifère en dehors d'Allah. C'est celui qui rend permis ou qui interdit et qui fait des lois en dehors d'Allah. Celui-là, c'est un tarot, car il s'est mis à l'égal d'Allah Azza wa Jal dans un droit parmi les droits d'Allah qui est le fait de légiférer. Celui-là, c'est une obligation à chaque musulman de mécroire en lui, de se désavouer de lui, de le prendre pour ennemi, de le détester et de faire son tekfir. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, in al-hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le jugement, le tashri', c'est une des caractéristiques d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a cité le dalil du Coran, on a cité l'ijma', قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 67 و200. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول à personne lorsqu'il rend permis ce qu'Allah a interdit à l'unanimité ou qu'il interdit ce qu'Allah a permis à l'unanimité ou qu'il change la législation d'Allah qui fait unanimité, c'est un kafir mécréant, murtad, apostat, à l'unanimité des fuqaha, des savants du fiqh. D'accord? Donc si ici l'istihlal, le fait de rendre permis ce qu'Allah interdit, point inverse, d'accord? De manière générale, lorsqu'on le fait dans une loi, ça s'appelle at-tashri'.